بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc bienvenue à tous. Ahlan wa sahlan wa marhaban bi jami' al mustami'in wal mustami'at. Hayyakum Allah. Nous allons poursuivre l'explication du chapitre de la purification de Boulour al-Maram. Et nous sommes arrivés par la grâce d'Allah, subhanahu wa ta'ala, au chapitre de l'impureté et la manière de s'en purifier. Et ce chapitre, ikhwani fillah, englobe deux choses. Donc ce chapitre, qui est l'impureté et la manière de s'en purifier, englobe deux choses. La première, la manière de purifier l'habit, le corps, l'endroit ou le récipient d'une impureté. Et la deuxième, la mention des choses qui sont impures. Et avant de passer à l'explication du premier hadith, le hadith de Anas ibn Malik, radiallahu anhu, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée, il est bon de savoir une chose importante. Et cette chose est que la base dans les choses est la permission, ainsi que la pureté, jusqu'à ce qu'une preuve montre le contraire. C'est pour cela, ikhwani fillah, que si deux personnes divergent sur une chose et que l'un d'entre eux dit « ceci est impur » tandis que l'autre dit que cette chose est pure, nous dirons alors que la vérité est avec celui qui est d'avis que la chose est pure jusqu'à que celui qui a dit que la chose est impure ramène une preuve du Coran ou de la Sunna. Pareil dans le cas où deux hommes divergent sur une chose. L'un d'entre eux est d'avis que la chose en question est licite à la consommation, tandis que l'autre est d'avis que la chose est illicite à la consommation. Nous dirons alors que la base est que cette chose est licite à la consommation, jusqu'à ce qu'une preuve indique qu'elle est illicite. Et la preuve de ces deux règles, ikhwan fillah, réside dans le verset 29 de Sourate al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Il dit selon la traduction: C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur terre. Et ici, il est important de tirer de ces deux règles un point. Et ce point-là, ikhwani fillah, on le retrouve souvent. On le retrouve souvent. Des fois, certaines personnes vont faire la da'wah. Ou bien certaines personnes vont conseiller d'autres personnes. Ils vont voir un musulman et ils vont lui dire: ça c'est haram, ceci est interdit, ce vêtement par exemple est interdit. Il va voir une personne, il va voir qu'il a un pantalon par exemple, un jean ou autre, d'accord, ce genre de vêtement, et il va lui dire: ceci est haram, ceci est interdit. Mais il ne va pas lui mentionner de preuves. Il ne va pas lui mentionner de preuves. Il va lui dire seulement: ceci est interdit, yahi. Tu n'as pas le droit de mettre ce genre de choses. Et puis quand cette personne va lui demander: as-tu une preuve à cela? Qu'est-ce qu'il va dire souvent? Allahu a'lam. Il va dire: je ne sais pas. Et ceci est une erreur. À partir du moment où tu es sur la base, c'est-à-dire que la base des choses, la base dans les vêtements par exemple, c'est qu'ils sont licites jusqu'à la preuve du contraire, jusqu'à ce qu'on trouve une preuve dans le Coran ou dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui interdit ce vêtement en particulier. Alors si tu es dans cette situation, lorsque tu dis à la personne: ceci est interdit, tu dois lui ramener une preuve. Tu dois lui ramener soit une preuve du Coran ou soit une preuve de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par contre, cette règle, la règle qu'on a mentionnée précédemment, n'est pas valable pour l'adoration. Car la base dans les adorations est l'interdiction. Jusqu'à ce qu'une preuve vienne montrer qu'elle est légiférée. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Et donc l'auteur, il mentionne premièrement dans ce chapitre le hadith de Anas ibn Malik. Donc Anas ibn Malik rapporte, radiyallahu an, on demanda au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam si on pouvait transformer l'alcool en vinaigre. Il répondit non. Et le hadith, il est rapporté par l'imam muslim. Donc dans ce hadith, Anas ibn Malik, radiallahu an, demande au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'il est permis de transformer l'alcool en vinaigre. Et l'alcool, ce qu'on appelle al-khamr en arabe, qu'on traduit par l'alcool, désigne tout ce qui enivre. L'alcool, al-khamr, désigne tout ce qui enivre. Ce n'est pas spécifique à une chose précise, telle que le raisin ou le jus de raisin, ou les dattes par exemple. Mais plutôt, le terme khamr, donc l'alcool, désigne tout ce qui enivre. Ceci désigne tout ce qui enivre. Et quelqu'un pourrait me dire: quelle est la preuve? Quelle est la preuve que l'alcool, donc al-khamr, désigne tout ce qui enivre? La preuve de cela, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, il dit: Kullu muskirin haram. Tout ce qui enivre est interdit. Et dans une autre version du hadith, il dit: Kullu muskirin khamrun. Tout ce qui enivre est du vin. Et donc, les savants se sont basés sur ce hadith pour dire que le vin, al-khamr, c'est tout ce qui enivre. Et le vin Et donc interdit. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit Kullu muskirin haram. Tout ce qui enivre est interdit. Et les savants sont unanimes à ce sujet. Ils sont unanimes que le vin est interdit. Par la suite, les savants ont divergé. Est-ce que le vin est impur, tout comme l'urine et les selles par exemple? Ou bien est-ce que le vin est pur, mais interdit? Et l'avis de la majorité concernant cette question est que le vin est impur. La majorité des savants, c'est l'avis de l'imam Ahmad, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Abu Hanifa, rahimahumullah, qu'Allah leur fasse miséricorde, ils sont d'avis que le vin est impur. Et c'est aussi l'avis qu'a choisi Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Et certains savants sont d'avis que le vin est pur. Et ils se basent sur la règle qu'on a mentionnée précédemment. Et cette règle est que la base des choses, c'est la pureté. Et ceci, ikhwani fillah, est l'avis le plus juste. Le vin n'est pas impur. De ce fait, s'il y a du vin ou de l'alcool sur un vêtement ou sur la terre ou autre, ce n'est pas une obligation de le nettoyer. Et la preuve à cela, c'est que lorsque le vin fut interdit, les musulmans l'ont versé dans les marchés de Médine. Et les savants qui sont de cet avis ont dit, si le vin avait été impur, ils ne l'auraient pas versé dans les marchés de Médine, car il est interdit de jeter de l'eau impure sur la route qu'empruntent les gens. Aussi, lorsque le vin fut interdit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas ordonné de laver les récipients où il y avait du vin. Et donc, si le vin aurait été impur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait ordonné qu'on lave ces récipients. Et nous pouvons aussi rajouter l'histoire de l'homme qui a offert une outre de vin au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Puis lorsqu'on l'informa que la consommation et la vente du vin étaient interdits, il versa l'outre, il ouvrit l'outre jusqu'à ce qu'elle se vide de son contenu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas ordonné qu'on lave cette outre, tout comme il n'a pas interdit que cet homme verse cette outre dans cette assise. Et tout ceci nous montre la pureté du vin, ou plutôt la pureté de tout ce qui enivre. Et cet avis-là, c'est l'avis de l'imam Shawkani, qu'Allah lui fasse miséricorde, et c'est aussi l'avis qu'a choisi l'éminent savant, Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah, rahmatan wasi'a, et d'autres parmi les savants, et incha'Allahu ta'ala, c'est cet avis qui est le plus juste. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Donc Anas ibn Malik rapporte, radiallahu an, on demanda au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, si on pouvait transformer l'alcool en vinaigre. Il répondit non. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a répondu à la question de Anas ibn Malik, le fils de Soulaym, radiallahu anhuma, par non. Et ceci nous montre que cela est interdit. Il est interdit de transformer l'alcool en vinaigre. Et l'auteur a mentionné ce hadith dans le chapitre des impuretés, car il a suivi la majorité des savants. L'auteur a suivi la majorité des savants qui sont d'avis que le vin est impur. Mais comme nous l'avons mentionné précédemment, L'avis le plus juste, Inch'Allah, est que le vin est pur, mais interdit à la consommation. Et donc, on tire de ce hadith plusieurs enseignements. Le premier de ces enseignements, l'interdiction du vin. Car l'interdiction de le transformer en vinaigre montre le caractère interdit du vin. Le deuxième enseignement, ce qui est interdit à la consommation n'est pas forcément impur. Car le vin est interdit, mais il n'est pas impur selon l'avis le plus juste des savants. Le troisième enseignement, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a barré les chemins menant à la consommation du vin. Car si transformer l'alcool en vinaigre aurait été autorisé, il est probable que la personne aurait gardé ce vin et fini par le boire un jour. Et ceci est un exemple, ikhwani fillah, qui nous montre clairement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tout montré à sa communauté. Il leur a montré le bien et les voies menant au bien. Il leur a montré aussi, sallallahu alayhi wa sallam, le mal. Et en plus de cela, il a barré les voies menant au mal. Parmi le mal que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a clarifié à sa communauté, il y a le shirk. Il a donc mis en garde sa communauté contre ce péché et a même mentionné dans certains hadiths que c'est le pire des péchés. C'est pour cela que lorsqu'on a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ayyu dhanbin a'zam, quel est le péché? Quel est le plus grave des péchés? Il répondit, An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. C'est-à-dire que tu donnes un semblable à Allah alors que c'est lui qui t'a créé. La voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam est certes claire, et ceci est une preuve qu'il est interdit d'innover dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car s'il y avait du bien dans ces innovations, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous aurait montré ce bien. S'il y avait du bien, par exemple, à célébrer ce qu'on appelle le Mawlid, la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous aurait montré cela. Ou bien les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam après lui nous auraient indiqué qu'il y a du bien dans cette chose. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith authentique, Khayrun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Les meilleurs des gens, les meilleurs des personnes, sont les gens de mon époque, c'est-à-dire les compagnons. Ensuite, ceux qui les suivent, c'est-à-dire les tabi'oun, ceux qui ont suivi les compagnons. Ensuite, ceux qui les suivent, c'est-à-dire tabi'ut tabi'in. Et donc, la voix du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est claire. Il a tout montré à sa communauté. Donc, que personne ne vienne à notre époque et innove dans la religion en te disant qu'il y a de bonnes innovations et qu'il y a des mauvaises innovations et que les bonnes innovations, il n'y a pas de mal à les faire et à les pratiquer. Mais par contre, les mauvaises innovations, il faut s'en écarter. Et nous répondons à cette ambiguïté aussi faible que la maison d'une araignée, nous répondons que s'il y avait de bonnes innovations, comme vous le dites, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous aurait montré ces bonnes innovations et nous aurait dit de les pratiquer. Mais comme ce n'est pas le cas, alors nous délaissons ces actions. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Donc la semaine prochaine, Inch'Allah, on continuera l'explication de ce chapitre, l'impureté et la manière de s'en purifier. Naam.